Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton. Page arrachée à la correspondance de Raymond Chandler. Lettre choisie par Bruno Abraham Kremer et Anne Rothenberg. Réalisation Pascal Deux. En direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Créateur de Philippe Marlowe, détective privé immortalisé au cinéma par Humphrey Bogart, Raymond Chandler est l'un des grands maîtres du roman noir américain. Un jour, en parcourant la côte du Pacifique en voiture, je me suis mis à lire des magazines bon marché. Et une chose m'a frappé. Ce genre de littérature ne manquait ni de force, ni d'honnêteté sous son aspect fruste. J'en ai conclu que c'était peut-être le bon moment d'apprendre à écrire de la fiction, tout en gagnant un peu d'argent en même temps. À Hamish Hamilton, à Alex Barris, à George Harmon Cox, à Dale Warren, à Mrs. Knopf, à Alfred Hitchcock, à Charles Mort, à Mr. Wicks. Deuxième épisode. Lettre du 24 mars 1945. À son éditeur américain, Alfred Knopf. Je ne sais pas trop comment répondre à votre lettre, cher Alfred. En privé ou verbalement, je ne fais pas un secret de mon âge, mais l'imprimer sur la jaquette d'un livre, ça me semble de la mauvaise psychologie. D'abord, ça ne regarde pas le public, et puis ça peut lui donner une impression fausse. Ma femme insiste beaucoup sur ce point, et je ne l'ai jamais vue se tromper sur un point de bon goût. Certes, je suis bien d'accord si un écrivain intéresse le public, les gens voudront savoir ce qu'il a de particulier. Ainsi, en ce qui me concerne, peut-être est-il important de savoir que mon éducation anglaise et mon milieu social forment un contraste presque violent avec mes idées sur l'art d'écrire. Il serait également certainement intéressant de savoir qu'un homme qui a reçu une éducation classique peut choisir de s'exprimer dans la langue parlée américaine. Mais je ne vois pas l'intérêt de leur dire mon âge, ma façon de prendre des bains, la couleur des yeux de ma femme, l'heure à laquelle je me lève ou tout autre détail personnel. L'intrusion des amateurs de publicité dans la vie intime des écrivains me paraît de la dernière vulgarité. Ce sont des solitaires dont je n'avais jamais entendu parler qui ont découvert que je pouvais écrire avec un certain talent. Tout ce que les auteurs de quatrième page de couverture sont capables de voir, c'est de sensationnel. Un photographe du Harper's Bazaar a fait de moi une photo avec ma chatte qui me semble être très exactement ce qu'il vous faut. Mes meilleures amitiés à vous et à Blanche. Bien à vous, Ray. La Jolla, Californie. Lettre du 20 avril 1947. À Jean Bettel, épouse de l'écrivain Earl Stanley Gardner, créateur de l'avocat détective Perry Mason. Cher Jean, le bon film de mystère n'existe pas encore. Ou alors, il est signé Alfred Hitchcock. Et il appartient alors à un genre un peu différent. Le faucon maltais, c'est presque ça. La raison de cela, c'est que dans le film, il faut toujours que le détective privé séduise une fille. Alors que ce qui fait la distinction dans la personnalité du détective, c'est justement de n'être séduit par personne. C'est le justicier, celui qui fait jaillir l'ordre dans le chaos. Mais il est idiot de lui refiler la petite histoire sentimentale cucu. Mais impossible de faire à Hollywood un film qui ne soit pas fondamentalement une histoire d'amour, c'est-à-dire où le sexe joue le premier rôle. Amitié à vous et à Earl. Ray. La Jolla, Californie. Lettre du 1er janvier 1948 à Charles Morton, rédacteur en chef de la revue The Atlantic Monthly. Ma première lettre de la nouvelle année est pour vous, cher Charlie. Nous sommes en quelque sorte de vieux amis et nous n'avons jamais eu le privilège de nous détester. Ma femme prétend que je suis un être extraordinaire. Avez-vous également votre petite menteuse à la maison? Vous savez, j'appartiens à cette race de gens que l'on ne peut aimer que lorsqu'on les connaît dans des proportions convenables. Avec les gens qui me sont étrangers, je suis plein de morgue, sous l'effet d'une timidité dont seul le whisky y venait à bout, à l'époque où j'étais encore capable de m'en tenir aux quantités voulues. Et puis c'est vrai, je suis terriblement brutal, car j'ai été élevé dans cette tradition anglaise qui permet à un gentleman de se montrer d'une grossièreté presque illimitée, à condition de parler d'une voix douce. Cela repose sur cette conviction que l'on ne vous répondra pas d'un coup de poing sur le nez. Les Américains, eux, ignorent de telle manière. Ils ont celles qui leur sont dictées par leur nature. Si leur nature est agréable, ils ont les meilleures manières du monde, sauf les aristocrates, les vrais. Une race en voie de disparition, naturellement. Que vos jours soient bénis, Charlie. Lettre du 7 mai 1948 à Frederick Lewis Allen, rédacteur en chef du Harper's Magazine. Cher Monsieur Allen, il y a bien longtemps, à l'époque où j'écrivais pour la presse populaire, j'ai mis quelque chose comme ça dans une histoire. Il sortit de sa voiture et il traversa le trottoir inondé de soleil jusqu'au store au-dessus de l'entrée. L'ombre lui tomba sur la figure comme un jet d'eau froide. Ils ont coupé ça quand ils ont publié l'histoire. Les lecteurs n'aimaient pas ce genre de truc, ça ralentissait l'action. Alors j'ai voulu prouver le contraire. Ma théorie, c'était que les lecteurs croyaient seulement ne se soucier que de l'action. En fait, mais ils ne le savaient pas, ce qu'ils aimaient, et moi aussi, c'était la création d'une émotion par le dialogue et la description. Ce qui en restait, et qui les hantait, ce n'était pas par exemple qu'un homme se fasse tuer, mais qu'au moment de sa mort, il ait été en train de ramasser un trombone sur la surface polie d'un bureau, sans y parvenir parce que ça glissait, si bien que son visage avait une expression de tension et que sa bouche était entrouverte dans un rictus. Et la mort était la dernière chose au monde à laquelle il songea. Il ne l'avait même pas entendu qui frappait à la porte. Ce foutu petit trombone continuait à lui glisser entre les doigts et simplement... Il ne voulait pas le pousser jusqu'au bord du bourreau pour l'attraper avant qu'il ne tombe. Phyllis, Walter, I've got to see you tonight. Yes, it has to be tonight. How's 11 o'clock? Now don't worry about keys. Just leave the front door unlocked and put the lights out. No, nobody's watching the house. Not anymore. It's just for the neighbors. I told you not to worry about keys. I'll see you at 11 o'clock. Yeah. Goodbye, baby. Lettre du 4 septembre 1948 à Clee Franklin Adams, écrivain de romans policiers et créateur du détective privé Rex McBride. Cher Clive. Non, je n'ai pas inventé le roman noir. Et je n'ai jamais caché qu'à mon avis, la gloire en revenait principalement à Dashiell Hammett. Au début, tout le monde imite. C'est ce que Stevenson appelait « faire le singe appliqué ». Personnellement, je crois que l'on risque d'aller trop loin en imitant les tics propres à un écrivain, son fond, sa manière, la façon dont il aborde son sujet. On risque même d'aller jusqu'au plagiat et d'une très sale espèce, car la loi n'offre ici aucune protection. Il ne faut pas perdre de vue que personne ne peut vous voler votre style. Si vous en avez un, par principe, on ne peut vous voler que vos fautes. Comme Hammett n'a rien publié depuis 1932, certains ont vu en moi l'écrivain le plus représentatif de cette école. C'est certainement dû à ce que le Faucon Maltais n'a pas été à l'origine de la mode des films policiers à gros budget, alors qu'il aurait pu l'être. C'est arrivé avec Assurance sur la mort et Le meurtre vient à la fin, auquel j'ai été mêlé, vous le savez. Le résultat, c'est que ceux que l'on accusait d'écrire comme Hammett, on les accuse maintenant d'essayer d'écrire comme Chandler. La loi ne reconnaît de plagiat que lorsqu'il s'agit du sujet. On m'a piqué mes idées à Hollywood et On m'a même accusé de plagiat à mon tour. Un type qui prétendait que j'avais trouvé chez lui l'idée du dahlia bleu. Heureusement, la Paramount a pu démontrer que mon manuscrit n'avait jamais quitté leur placard. Et puis, le plagiat inconscient est aussi très répandu et inévitable. Dans toute sa pièce, la Vénus de l'homme des glaces, O'Neill se sert de l'expression « le grand sommeil » pour désigner la mort. Apparemment avec l'idée que cela se dit dans le milieu, alors que je l'ai tout bonnement inventé. Si l'on se souvient assez longtemps de moi, on m'accusera probablement d'avoir volé l'expression à O'Neill, parce que lui, c'est un pontife. Bien à vous, Ray. À Charles Morton, 28 juillet 1948. Cher Charlie, l'idée que vous vous faites que je vis sans aucun problème d'argent et sans m'en soucier est complètement fausse. J'ai des dépenses terribles. Je ne suis même pas sûr de pouvoir gagner ma vie en écrivant. Je crois même que c'est impossible si je n'écris pas un best-seller fort improbable ou si je ne vends pas de droits à un gros magazine sur papier glacé. Et puis je n'ai plus du tout envie de travailler pour Hollywood. Cela n'apporte que des soucis, de l'amertume. C'est complètement épuisant. Ça n'apporte aucune des satisfactions de l'écriture. On n'a pas du tout l'impression de dominer son moyen d'expression. Aucune liberté. Pas même celle d'échouer. Il faudra peut-être bien que j'y retourne, mais j'aimerais autant pas. Il me faut environ 50 000 dollars par an et cependant une toute petite partie de cet argent sert à mes dépenses personnelles. Et si je ne peux pas me procurer ce genre de revenus, il faut que je change complètement mon train de vie. D'un sens, ce ne serait peut-être pas complètement négatif et certainement pas comparable à ce que j'ai connu après 1930. Entre nous, Charlie, le métier d'écrivain, c'est devenu une vraie corvée. Il y a beaucoup de trop de travail, de bureaux, d'archivage, de comptabilité, de déclarations fiscales de diverses sortes. On est envahi par les détails. Il me semble parfois que la seule chance qu'on ait d'écrire, c'est quand on est débarrassé de tout ça. Mais quand on est rendu là, qu'est devenue la vivacité de la sensation? Votre Ray. août 1948, à son éditeur anglais, Hamish Hamilton. Inutile de vous dire, mon cher Jamie, que je tape cela moi-même. Plus de secrétaire, pas de quoi en occuper une à plein temps, sauf en travaillant pour Hollywood. Ça va probablement me manquer. On n'y peut rien. Il faudra couper dans les dépenses. Les choses atteignent ici des prix effroyables. J'essaie désespérément de finir « Fais pas ta rosière ». Et je devrais avoir un brouillon complet ces jours-ci, si je réussis à faire monter la pression. Cependant, le fait est que ce n'est que style, dialogue et personnage. L'intrigue grince comme un volet cassé dans le vent d'octobre. Je vous joins le chapitre où j'en suis. Il avait les paupières tombantes, l'œil vitreux, la mâchoire en banc de square et mordillait le bout d'un crayon de charpentier. Il semblait réveillé et respirait, mais rien de plus. Entre la table et la seconde fenêtre s'alignaient deux bureaux à cylindre mobile. L'un de ces bureaux tournait le dos à la fenêtre, et sur sa tablette, une femme aux cheveux jaunes d'œuf tapait à la machine. Le second, perpendiculaire à la fenêtre, était occupé par Christy French, qui s'était calé dans son fauteuil à pivot et avait posé ses pieds sur le coin du bureau. Il regardait par la fenêtre qui offrait une magnifique échappée sur le garage de la police et le dos d'un panneau d'affichage. « Asseyez-vous », me dit Beifus en désignant un siège. Je pris place en face de lui sur une chaise en chêne. Elle n'était pas neuve et même neuve n'avait jamais dû être belle. Lettre du 23 septembre 1948 à James Sandow, critique littéraire, spécialiste du roman policier. Cher Sandow, hier j'ai envoyé mon livre « Fais pas ta rosière » à Carl Bandt à New York. La seule frappe que j'avais. C'est idiot de ma part, mais je n'ai trouvé personne pour le retaper rapidement. Et puis je commençais à y changer des quantités de petites choses. Je ne sais pas, jamais, quand je dois m'arrêter. Je crois que je commence enfin à comprendre que j'ai, en ce qui concerne les intrigues, une attitude peu orthodoxe. La plupart des écrivains imaginent une intrigue avec une situation à problème, et puis ils y adaptent des personnages. Avec moi, une intrigue, si on peut appeler ça ainsi, c'est quelque chose d'organique. Ça pousse, ça bourgeonne et ça prolifère. Je me retrouve constamment avec des scènes que je ne veux pas élaguer et qui ne veulent pas s'intégrer. Si bien que l'intrigue en question devient une lutte désespérée pour justifier plein de choses qui, pour moi en tout cas, sont vivantes et tiennent à le rester. Drôle de façon d'écrire, mais il semble que je n'en connaisse pas d'autres. La seule idée d'avoir un plan strict auquel je me tiendrai, cela m'épouvante. Cette histoire de meurtre que vous évoquez sera écrite ensuite, si j'y arrive, mais je n'en suis pas trop sûr. À vous, Ray Chandler. La Jolla, Californie. Lettre de février 1949. À son agent littéraire, Karl Brandt. J'essaie une nouvelle Corona, mon cher Karl, si bien que ma frappe sera encore pire que d'habitude. J'ai utilisé pendant des années une portative noiseless, puis une Remington normale, et depuis j'ai été incapable de me remettre à ces machines noiseless. J'ai à régler quelques problèmes personnels difficiles. C'est du moins l'effet qu'ils me font, ce qui revient au même. D'abord, la question de la maison. C'est pour ma femme une trop lourde charge. S'en occuper, aller au marché, faire la cuisine, mettre de l'ordre, elle n'a le temps de rien faire d'autre. Et puis je crois que notre rythme à tous se ralentit et que nous nous fatiguons plus vite avec l'âge. C'est mon cas en tout cas. Je me sens tout le temps fatigué. En plus, cette maison nous coûte cher, beaucoup trop cher. Seigneur, tout ça c'est grognon. Désolé. PS, ah oui, j'oubliais. Vous voulez savoir ce que je pense des films qui apportent un message? Je considère que c'est là un des aspects de l'infantilisme sénile de Hollywood. Toute cette histoire du contenu social des films m'assomme. Le cinéma ne nous apprend rien sur la politique. Avec des films, on ne peut apprendre quelque chose que sur les gens. La Jolla, 18 mars 1949. À Alex Barris, journaliste canadien. Qu'est-ce que je fais de mon temps ? J'écris quand je le peux et quand je ne peux pas, je n'écris pas. Toujours le matin ou en début de journée. La nuit, on a des idées mirifiques, mais ça ne dure pas. J'ai découvert cela il y a très longtemps. Je tape moi-même à la machine, cela doit se voir. Puis je ne suis pas encore très habitué à cette corona. Lorsque je travaillais à des scénarios, je dictais à une secrétaire. Vous savez, les secrétaires sont les personnes les plus charmantes de Hollywood. Ce qu'elles endurent, les conneries qu'on leur dicte et l'enthousiasme qu'elles manifestent pour des machins parfaitement débiles. Elles sont toujours de notre côté et contre tous les autres. Et ce sont parfois les seuls amis d'un écrivain à Hollywood. Et leur manifeste-t-on de la reconnaissance pour cela? Pas le moins du monde. La plupart de ces scénaristes hors de prix sont bien trop radins pour leur donner de leur poche à un petit quelque chose. Et quand les rapports au box-office commencent à fondre, eh bien c'est toujours les secrétaires qu'on fout à la porte en premier. Quand nous sommes venus nous installer ici, j'ai acheté un dictaphone et j'ai dicté des scénarios là-dedans, mais je ne m'en suis jamais servi pour des romans. Je crois qu'on a besoin d'une certaine résistance mécanique pour éviter de sombrer dans le délayage et la prolixité. Presque tous les écrivains qui dictent souffrent de logorrhée. Quand il faut utiliser son énergie pour écrire les mots, on s'arrange pour leur donner du poids. On voit partout des écrivains raconter qu'ils n'ont pas besoin d'attendre l'inspiration. Il leur suffit de s'asseoir à leur petite table chaque matin à 8 heures, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, avec la gueule de bois, un bras cassé et tout, et ils tapent leur petite page d'écriture. Ils peuvent avoir la tête vide et l'esprit terne. Ils ne veulent pas entendre parler d'inspiration. Qu'ils croient à mon admiration bien sincère, mais j'éviterai leur livre. Moi, j'attends l'inspiration, que je n'appelle pas obligatoirement de ce nom-là. J'affirme que tout ce qu'on écrit de vivant vient du plexus solaire. C'est du boulot, parce que ça vous laisse fatigué, voire épuisé. Mais en tant qu'effort conscient, ce n'est pas un travail. Ce qui compte, c'est d'avoir un moment, disons au moins 4 heures par jour, où l'écrivain professionnel ne fait rien d'autre que de se disposer à écrire. Il n'est pas obligé de rédiger quelque chose si ça ne lui dit rien. Il ne doit même pas essayer. Il peut regarder par la fenêtre, se tenir debout sur la tête ou se rouler par terre sur le plancher, mais il ne doit rien faire de concret comme écrire des lettres, jeter un coup d'œil à des magazines ou faire des chèques. Écrire, ou rien du tout. Bien à vous. Raymond Chandler. À Hamish Hamilton, 22 juin 1949. Est-ce que vous connaissez, mon cher Jamie, mon histoire favorite sur les frères Warner, Jack et Harry? C'est le jour où Wallace, le chef de production des studios, les a plantés là. Il régnait dans la salle des gros bonnets une horrible atmosphère de catastrophe. Tous ces messieurs étaient entassés à un bout de la table pour se trouver aussi loin que possible de Jack Warner quand il entrerait dans la pièce. Tous, sauf un. Un petit producteur arriviste du nom de Jerry Wald qui s'installa à côté de la place du maître. Soudain, voilà Jack et Harry Warner qui s'amènent. Jack les contemple avec dégoût et puis il se retourne vers Harry. Jack, quel salaud ce Wallace. Harry, oui Jack. Un petit con d'attaché de publicité à $50 par semaine, dont nous avons fait un des hommes les plus importants de Hollywood. Et comment il nous a remercié? Il nous plante là, prend son chapeau et s'en va. Oui Jack. Et puis ce salaud de Zanuck, un petit con de scénariste à $100 par semaine, on lui a tout appris. On a fait de lui un des hommes les plus importants de Hollywood. Et comment il nous remercie? Il nous plante là, prend son chapeau et s'en va. Oui, Jack. Comment vous appelez-vous? Demanda Jack en jetant un coup d'œil à Jerry Wald. Ah, Jerry Wald, n'est-ce pas? Eh bien, tu vois, Harry, on pourrait prendre ce garçon-là, ce Jerry Wald, et on en ferait un des hommes les plus importants de Hollywood. Pas vrai, Harry? Certainement, Jack. Et ça nous servirait à quoi? On en ferait un homme important, on en ferait un des plus grands noms de Hollywood, et qu'est-ce qui arriverait, Harry? Ce salaud nous planterait là. Oui, Jack. Alors pourquoi attendre ça, Harry? On va le foutre à la porte tout de suite, ce salaud. Lettre du 15 septembre 1949. À Dale Warren, chef de publicité chez Mifflin Company. Il deviendra l'éditeur de Chandler. Ici, rien ne va plus. Je me sens nerveux, fatigué, découragé. J'en ai plein le dos de cette ambiance de Cadillac avec chauffeur. Je ne supporte plus cette lutte perpétuelle pour trouver des domestiques. Mon propre aveuglement me dégoûte, car je n'ai pas vu que cette existence ne convenait pas du tout à ma nature. J'imagine que mon métier, c'est d'écrire. D'un sens, remarqué à Hollywood, j'ai dû passer pour un sale type. J'ai gardé mes sous. Pas de piscine, pas de manteau de martre pour une petite poule planquée dans un appartement, pas de crédit chez Romanoff, pas de soirée mondaine, pas de ranch avec des chevaux de sel. Rien de tout ça. Conséquence, j'ai moins d'amis, mais davantage d'argent. Quant à mon commentaire sur Fais pas ta rosière que vous voulez bien me rappeler, non, je ne suis pas d'accord. Cette histoire n'est pas vraiment la meilleure. Je crois que Adieu ma jolie est ce que j'ai fait de mieux et que je ne réussirai jamais plus le même dosage. L'ossature était beaucoup plus solide, l'invention moins forcée, plus aisée, et ainsi de suite. PS, et puis au fait, j'allais oublier l'essentiel. J'attends une nouvelle secrétaire. La Warner Bros. M'a contacté pour un nouveau scénario. C'était Page arrachée à la correspondance de Raymond Chandler, lettre choisie par Bruno Abraham Kremer et Anne Rothenberg. Lu par Bruno Abraham Kremer et Pauline Moulin. Musique originale, Dominique Massa. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Pascal Deux. Les deux volumes de la correspondance de Raymond Chandler sont parus dans une traduction de Michel Doury aux éditions Bourgois, puis aux éditions 10-18. Vous pouvez réécouter et podcaster le feuilleton sur le site fiction.franceculture.fr.